histoire particulière. Faire parler les lieux, c'est le challenge de la collection d'histoires que je vous propose depuis le début de cette saison. Une fois par mois, je vous emmène dans des endroits étonnants et singuliers, écouter des récits méconnus. Le collège Sévenol, le phare de Thévenec, le plus petit cimetière du monde. Dans tous les cas, jusqu'à aujourd'hui, nous avions investi des lieux dont nous pouvions facilement faire le tour, des endroits parfois clos, faciles à arpenter ou à localiser. Aujourd'hui, l'exercice devient plus complexe. Non qu'il s'agisse d'investir un labyrinthe, mais le territoire est plus large. C'est un quartier. Son histoire est plus sombre. Les murs et les trottoirs sentent le sang. Les victimes sont nombreuses. L'assassin est un mystère. Partons vers Londres. Michel Pomared et François Test vous y attendent. Cette émission contient des récits décrivant des meurtres et des agressions qui peuvent choquer les auditeurs. Nous vous recommandons de faire preuve de la plus grande vigilance pour les enfants de moins de 13 ans. Now, enjoy the show. Nous nous trouvons sur les fondations de l'église Sainte Mary Matfellum. C'est le nom qu'elle avait au Moyen-Âge et qui a plus tard donné le nom actuel de Whitechapel parce que cette chapelle a été blanchie à la chaux. Derrière ce dernier vestige de Sainte Mary Matfellum, c'est le presbytère, bâtiment en briques rouges du 19e siècle, qui était donc la maison du pasteur, mais qui servait également de lieu de réunion pour la communauté. Aujourd'hui, c'est un restaurant. Et derrière, vous voyez un immeuble moderne très haut, en vert. Ce qui indique que les quartiers de Whitechapel et d'Aldgate sont devenus très à la mode. Donc d'ici, on peut voir l'évolution des immeubles, des bâtiments et leurs fonctions depuis le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Sur les traces de Jack l'Éventreur. Michel Pomared, François Test. Retour à Whitechapel. Three strong men it takes. Three men to keep one poor woman from having a little drink. No, no, you'll be feeling fine after a little sleep. Come on. I'm feeling fine now, you great ape. You see, miss, it's our duty to protect you from Jack the Ripper. I don't think you mind a bit of protection from a fiend like that, do you? Whitechapel, c'est ce quartier de l'est de Londres qui, à la fin du 19e siècle, est considéré comme l'autre moitié de la ville. Comprendre la moitié mal agencée, mal famée, mal fréquentée. Ce quartier va faire la une de la presse en raison d'une série de meurtres entre août et septembre 1888. Des meurtres attribués à un tueur en série, Jack l'Éventreur. Aujourd'hui, Whitechapel est le prototype de la gentrification. Tout est bien rangé, propre et gentillé. On est bien loin de l'atmosphère de films en noir et blanc qui faisait frissonner à l'époque. Mais dans les rues, on rencontre des passionnés qui traquent les fantômes d'hier et les scènes de crime, comme Cal Kopak. Cal Kopak, where are we going? We are going to Woods Building. On va à Woods Building. Je n'y suis jamais allé. Donc c'est assez nouveau pour moi. C'est un petit raccourci qui tombe dans Doward Street, qui s'appelait avant Box Row. C'est un des passages par lequel le tueur est peut-être sorti après le premier meurtre. Aujourd'hui, là, c'est bloqué parce que la rue est complètement délabrée. Je n'étais jamais venu ici avant. C'est la première fois que je vois ce qu'il y a derrière. Tout le monde prend des photos parce que c'est un des passages qu'il a peut-être pris. Derrière, en fait, c'est une espèce d'arrière-cour avec des gens qui travaillent, visiblement, qui appartiennent au magasin qui est juste là. Oui, c'est un des problèmes avec le quartier est de Londres en général. Par exemple, le premier lieu du crime, Box Row, est maintenant fermé parce qu'on construit un pont juste au-dessus de l'endroit où Pauline Nichols a été assassinée. Donc on ne peut pas aller voir le lieu du crime. On n'y a pas accès, c'est juste de l'autre côté du chantier. Moi-même, je ne l'ai jamais vu à cause de ce chantier. Parce que le quartier est change tout le temps et qu'on ne protège pas les lieux de crime, ni rien. D'un côté, je peux le comprendre et d'un autre, je pense que ça a une importance historique, mais l'évolution du quartier, c'est ce qui prime avant tout. Entre deux pubs à la mode, fréquentés par des hipsters et des touristes en goguette, on trouve aussi un musée dédié à Jack l'Éventreur. Il propose sur 5 étages une reproduction en carton-pâte d'un bureau de police, d'une morgue, sans oublier la boutique de souvenirs. Dans les haut-parleurs, bien sûr, on crie au meurtre, mais qui ça intéresse vraiment? En tout cas, pas l'historienne Ali Reubenhold, qui a travaillé longuement sur la vie du quartier à la fin du 19e siècle. La nuit, le quartier de Whitechapel n'était pas très bien éclairé. L'éclairage au gaz était encore prédominant, même si l'électricité avait fait son apparition à la fin du 19e siècle. Cet éclairage au gaz produisait une lumière très faible, qui à certains endroits ne donnait qu'un halo de lumière assez restreint en dessous des lampadaires. Pour les piétons, les rues étaient très noires, avec simplement quelques sources de lumière ici et là. Il y avait beaucoup de recoins où l'on pouvait se cacher. Et on se dirigeait surtout grâce à la lumière des fenêtres des maisons et des lampadaires au loin. Le photographe Louis Berck. I think one of the things that's most interesting about Whitechapel is that. Je pense que l'une des choses les plus intéressantes à Whitechapel, c'est qu'on y rencontre l'histoire, une histoire préservée, des bâtiments qui datent du 18e siècle, certains qui datent de 1680. Et d'autres construits à l'époque moderne. La plupart des gens associent Whitechapel aux événements sinistres arrivés au 19e siècle. Mais c'était en fait un quartier assez rural au 18e. Quand on va dans le centre de Whitechapel, on y trouve des hospices qui ont été construits pour y loger des pêcheurs et des marins. La raison pour laquelle ils ont été construits à Whitechapel, c'est parce que c'était une zone rurale et un endroit agréable pour passer la fin de sa vie. Donc, le côté sinistre de Whitechapel est apparu seulement après la révolution industrielle. La population de Whitechapel a doublé entre 1800 et 1850 avec l'essor de l'industrie. Bien sûr, ça a eu un impact terrible sur le logement et le quartier a perdu son caractère rural pour devenir un quartier industriel extrêmement peuplé. Et c'est à partir de là que se sont développées la pauvreté, la criminalité et tout ce qui est arrivé au 19e siècle. Est-ce que vous pourriez me raconter un petit peu les vagues de succession de l'immigration dans ce quartier ? Là, on est à Spitalfields, qui est un petit quartier à l'intérieur de Whitechapel. Spitalfields a connu les vagues successives de l'immigration. D'abord les Huguenots, les protestants français qui fuyaient la persécution en France. Puis, à la fin du 18e et au début du 19e, les Irlandais, qui fuyaient la pauvreté et la famine dans leur pays. Et depuis longtemps, mais en nombre croissant, des Juifs de Russie et d'Europe de l'Est. Et également aussi de Hollande. Les premiers Juifs à s'être installés ici étaient Hollandais. Et bien sûr, ces communautés changent. Leur niveau de vie évolue. Elles deviennent plus riches et elles partent s'établir ailleurs. Récemment, on a vu se développer une communauté bengali, en majorité originaire de la ville de Sylhet, au nord-est du Bangladesh. Et maintenant, cette communauté, à son tour, part s'installer ailleurs. Alors, qui seront les prochains? On ne sait pas. Louis Berck, vous êtes photographe. Vous avez travaillé beaucoup sur Whitechapel. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce quartier de l'Est de Londres ? Je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire sociale. Et je pense que Whitechapel est l'un des quartiers les plus intéressants dans l'histoire sociale de l'Angleterre, du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui en réalité. Et il contient Il y a des lieux d'une très grande importance historique. Ce que je voulais faire, c'était photographier ces lieux, parce que tout le quartier est en évolution. Là, nous sommes devant ces toutes nouvelles constructions, et certains de ces lieux vont être perdus pour toujours si on ne les photographie pas. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Carl Kopak, spécialiste de Jack l'Éventreur. J'étais fasciné, et ça me fait le même effet aujourd'hui, j'en reviens pas, de penser que ce Jack l'Éventreur a marché sur ce trottoir, ici, là où on est en ce moment, dans cette rue. Il a vécu ici, il est passé par ici, il a tué quelqu'un ici. Même si ça s'est passé il y a 130 ans, c'est toujours important pour moi aujourd'hui. C'est un homme qui habitait dans le quartier. C'est le meurtrier le plus connu de l'histoire parce que personne ne sait qui c'était et il était là. Ce n'est pas une histoire inventée, c'est la réalité. Il a vraiment vécu ici. Est-ce qu'on peut parler des communautés qui gravitent autour de Jack l'Éventreur ? Tous les spécialistes de Jack l'Éventreur qui travaillent sur les différents cas, on est nombreux, on a chacun un intérêt précis. Je dirais que la majorité s'intéresse à l'identité du meurtrier. Il y a 150 suspects, et pour chaque suspect, même les plus solides, il y a un élément qui les empêche d'être Jack l'Éventreur, et un élément assez important. Par exemple, la conspiration contre la famille royale. C'est énorme. Il est impossible que le prince Victor Albert soit le meurtrier. Il n'était même pas dans le pays pendant l'événement du double meurtre. Certaines communautés s'intéressent aux victimes. Moi, c'est la topographie de Londres qui me passionne. J'adore le fait que la ville change tout le temps. J'aime les cartes, je suis un vrai geek pour ce genre de choses. J'aime faire des découvertes. J'étais jamais allé à Woods Building derrière nous, donc j'ai pris une photo parce que Jack l'Éventreur aurait pu passer devant, tout simplement. Des couleurs, des façades. Il y a beaucoup de briques rouges, beaucoup de briques locales, parce qu'on est à côté de Brick Lane. Ce sont des couleurs douces, des bâtiments typiques du XVIIIe siècle. On voit que les fenêtres sont sur le même plan que la façade des bâtiments. L'ordonnance de construction qui a été passée après le grand incendie de Londres exigeait que les fenêtres soient en retrait, enfoncées dans la structure des bâtiments pour éviter que le feu ne se propage de fenêtre en fenêtre. Mais ces bâtiments sont si vieux que les fenêtres sont sur le même plan que la façade, de superbes fenêtres arrondies. Il y a beaucoup d'espace, des immeubles très imposants, car ce sont ces immeubles que les tisserands huguenots ont choisi de préférence. Ils ont installé leur métier à tisser au dernier étage pour avoir la meilleure lumière. Vous pouvez en voir un exemple. Et il y en a quelques-uns qui subsistent, qui ont été récupérés par les fabricants de vêtements juifs arrivés au XIXe siècle. Et tout ce quartier a changé au XIXe siècle. On y a installé des ateliers. Ces maisons sont devenues un lieu important de fabrication de vêtements, bien sûr, toujours en lien avec l'industrie textile. Ici, on voit l'enseigne H. Suskin qui est restée. Mais l'atelier est visiblement parti il y a longtemps. Je vais vous emmener à Princelet Street, où il y a une très belle perspective. « Ali Rubano, est-ce qu'on préfère un portrait de Whitechapel au niveau de l'atmosphère? Comment est-ce que c'était à l'époque de Jack l'Éventreur? In the late 19th century, Whitechapel was à la fin du 19e siècle, Whitechapel était l'un des quartiers les plus pauvres de Londres. Il y avait bien sûr aussi des habitants des classes moyennes, pas que des pauvres. Mais dans Whitechapel, il y avait Spitalfields. Et Spitalfields, c'était le cœur noir de Whitechapel, dans lequel on trouvait les rues les plus miséreuses et les pensions les plus délabrées. Le pire, c'était probablement les meublés, des chambres de moins de 8 mètres carrés où s'entassaient des familles entières, dont les murs s'effritaient, dans lesquels les cheminées rejetaient une fumée noire et où les escaliers s'affaissaient. À l'extérieur, les ordures traînaient partout, au milieu de flaques d'eau stagnante. C'était très dangereux. Les gens étaient violents. Si vous alliez dans une de ces pensions, et c'est ce que décrivent les enquêteurs sociaux de l'époque qui visitaient ces logements, on découvrait des gens brutaux, violents, sales. Beaucoup de gens ne se lavaient pas, ils n'avaient pas les moyens. Il y avait beaucoup d'alcoolisme. Beaucoup d'histoires racontent à quel point les gens vivaient les uns sur les autres. Des familles vivaient à 5 ou 6 dans une seule pièce, où il n'y avait qu'un lit et tout le monde dormait dans le même lit, à même le sol. Il y a aussi des histoires où des enquêteurs pénétrèrent dans un de ces logements et trouvent deux enfants dans un lit, mais l'un d'entre eux est mort, attendant d'être enterré. Des histoires terribles comme celle-ci. De gens qui ont vendu tous leurs meubles, ainsi que leurs vêtements, et qui sont recroquevillés dans un coin de la pièce dans une pauvreté épouvantable. On est très près de l'endroit où on a retrouvé la deuxième victime, Annie Chapman, le 29 septembre 1888. Ici, nous sommes à Princelet Street. La plupart des immeubles ici ont été rénovés, restaurés, car ils tombaient en ruine. Est-ce que vous, Louis Berk, vous vous intéressez à l'identité de ce Jack l'Éventreur? Non, pas particulièrement. Je suis photographe. Quand on photographie Whitechapel, il est pratiquement impossible d'éviter les lieux où ont été commis les meurtres. La raison pour laquelle je me suis intéressé à Jack l'Éventreur, c'est parce que je prenais des photos de lieux qui étaient chargés historiquement et que je voulais connaître cette histoire. Je pense que comme tout le monde, je trouverais passionnant de connaître l'identité du tueur si quelqu'un la découvrait. Mais j'ai l'impression que c'est hautement improbable. On ne saura jamais ce qui s'est véritablement passé. Karl Kopak, est-ce que, avant Jack l'Éventreur, vous intéressiez aux serial killers? Yes and no. I mean, I've always been interested in serial killers because oui et non. Je me suis toujours intéressé aux tueurs en série parce que j'ai grandi à Liverpool, dans le nord de l'Angleterre, dans les années 70-80, où sévissait Peter Sutcliffe à l'époque. On l'appelait l'éventreur du Yorkshire. Et même si je viens du nord-ouest plutôt que du nord-est, il a commis des crimes deux fois à Manchester. Et je me rappelle que ma mère avait peur d'aller au travail parce qu'on habitait sur la East Lancashire Road entre Liverpool et Manchester et elle se disait « Un jour, ça peut tomber sur moi, il va peut-être venir à Liverpool ». À l'époque, on ne savait pas qui était l'éventreur du Yorkshire et il aurait pu venir à Liverpool. Quand on l'a arrêté, je me suis rendu compte qu'il était très près de chez nous. Je me suis intéressé à lui. Il était recherché dans tout le pays et quand il a été arrêté, on s'est rendu compte que c'était un homme ordinaire. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'il était sans intérêt en réalité. C'est pas l'homme qu'on s'imagine en habit et chapeau haute forme. Et mon intérêt pour l'éventreur, ça vient de là en réalité. C'était pas un génie, il a simplement eu beaucoup de chance. Peter Sutcliffe a été interrogé 9 fois par la police, avant finalement de se faire prendre par hasard. C'est vraiment ça qui m'a intéressé. C'était un homme comme un autre qui sortait pour aller acheter le journal, qui rentrait chez lui, qui tuait des prostituées. Et c'est ce petit détail qui a éveillé mon intérêt. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un homme ? Oui, 100% sûr. Parce que, à part le premier meurtre, il y a eu des témoins pour tous les autres meurtres. Il y en a un qui paraît un peu louche pour le cinquième meurtre, mais ils disent tous que c'était un homme qui portait des vêtements d'homme. Deux ou trois témoins, un en particulier, ont dit que c'était un étranger. Étranger voulait dire juif. C'est ce que ça voulait dire à ce moment-là, parce qu'il y avait une population juive importante dans ce quartier à cette époque. Est-ce qu'il y aurait pu y avoir plusieurs Jack l'Éventreur ? Oui, ça se pourrait bien, en effet. Les tueurs d'imitation qui copient les meurtres des autres, ça existait. Et la meilleure preuve, c'est que les témoins donnent une description de lui à chaque fois un peu différente. Il n'y en a pas une qui fasse autorité. Il y en a un qui dit qu'il avait environ 40 ans, un autre qui dit qu'il avait 25-30 ans. Les dépositions des témoins, par définition, ne sont pas toutes dignes de foi. Souvent, les gens ne se rappellent plus ce qu'ils ont vu parce qu'on ne s'attend pas à tomber sur un tueur en série. Mais en même temps, il n'y en avait pas beaucoup qui tuaient exactement de la même façon à chaque fois qu'ils commettaient un meurtre. Jack, à défaut de pouvoir l'appeler autrement, tuait toujours de la même façon. D'abord, il leur tranchait la gorge, il leur coupait la carotide de gauche à droite et il les mutilait. Simple. Comment est-ce qu'on connaît la signature de Jack l'Éventreur ? Il était connu au début comme le monstre de Whitechapel ou le tablier de cuir. Donc il n'avait pas ce nom devenu cool de Jack l'Éventreur. Jusqu'à ce que la lettre dite « Dear Boss Letter » soit envoyée à l'agence de presse Central News de Londres. « Dear Boss, I keep on hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I've laughed when they look so clever and talk about being on the right track. That joke about leather apron gave me real fits. C'était une lettre qui a été écrite d'une très très jolie écriture et qui commençait par ces mots, Dear Boss, et qui raconte à la police ce qu'il a fait, j'ai fait ça, ça et ça, et à la fin il signe, cordialement, Jack l'Éventreur. C'est la première fois que le terme était employé. Quelle que soit la personne qui a écrit cette lettre, je suis sûr que ce n'est pas l'assassin. L'assassin n'aurait jamais écrit cette lettre. L'écriture est trop belle, vraiment. J'aimerais bien avoir une aussi belle écriture. On peut penser que c'est un leurre pour que l'histoire continue de faire la une des journaux. Good luck. Yours truly, Jack the Ripper. Louis Berk, quelle est l'adresse ici ? Ici, on est au 19 Princelet Street, devant une maison typique du XVIIIe siècle. Mais au XIXe siècle, cette maison a été transformée en synagogue, à l'arrière du bâtiment. Bien sûr, depuis, la population juive est partie, et ce n'est plus un lieu de culte aujourd'hui. Si on revient au meurtre attribué à Jack l'Éventreur, est-ce qu'il n'y a pas eu des relents d'antisémitisme par rapport, justement, à qui était l'identité du meurtrier, et peut-être, je fais référence à un graffiti, par rapport aux juifs qui étaient dans ce quartier ? Oui, c'est vrai. La police était assez inquiète des réactions violentes à l'encontre de la communauté juive, parce que lors de ce genre d'événements, on s'en prend souvent aux populations étrangères. Et donc la communauté juive a été surveillée de près. Et il y a eu plusieurs suspects juifs, aucun n'a été retenu. Mais oui, la communauté juive a subi beaucoup de tensions, que l'on qualifierait aujourd'hui de racistes, liées à ce qui s'est passé ici. This is the 18th century church of Mère Église. Voici la mère église du XVIIIe siècle, qui était à l'origine une chapelle protestante. Vous voyez d'après l'inscription qu'elle a été construite en 1743. Sur le cadran solaire, on peut lire « Umbra sumus », ce qui signifie en latin « nous ne sommes qu'ombre », ce qui est très significatif. Vous voyez, sa construction, elle est quasiment inchangée. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle reflète les vagues successives d'immigration. Quand les Huguenots sont partis, c'est devenu une chapelle méthodiste. Lorsque les méthodistes sont partis, c'est devenu une synagogue, la grande synagogue de Brick Lane. Et lorsque la population juive est partie, dans les années 1950-60, c'est devenu une mosquée. Ce qu'elle est encore aujourd'hui. Donc vous voyez, le bâtiment reflète les changements de population au cours de l'histoire, des protestants français jusqu'à l'arrivée de la communauté bengali. Est-ce que si on revient dans 20 ans, cette mosquée pourrait devenir une galerie d'art ? Undoubtedly. Oui, bien sûr. Ce quartier change constamment. Il n'y a aucun doute là-dessus. En partie parce que les populations du quartier migrent, mais aussi parce que le commerce se développe et que la ville se déplace vers l'est. Les loyers augmentent, ce qui pousse certaines communautés à partir. Donc, comme vous, je me demande moi aussi à quoi ressemblera ce quartier dans 20 ans. Les détails du premier meurtre, par vous, Karl Kopak, dans cette rue, c'est quoi ? Cette rue, qui s'appelle maintenant Durward Street, s'appelait Box Row en 1888. Elle était beaucoup plus petite. Et là où on est maintenant, c'était à l'époque l'angle de Brady Street. Et ce jour-là, à 3h40 du matin, le 31 août 1888, un certain Charles Lechmer, en arrivant au coin des rues, a aperçu la forme d'une femme. Il s'est approché pour voir si ça allait, quand un autre homme est arrivé au coin de la rue, un certain Robert Paul, qui a déclaré « Je pense que cette femme est ivre. » Ils se sont dit qu'elle était peut-être morte. Ils n'avaient pas vu de traces de violence sur son corps. Et l'un d'entre eux croyait sentir son pouls. Et Whitechapel étant le Whitechapel de l'époque, enfin, c'est fou quand on y pense. Ils sont partis au travail et l'ont laissé là. Il n'y avait pas beaucoup de meurtres à Whitechapel. La violence n'était pas rare, mais les meurtres, si. Par exemple, il n'y avait pas eu de meurtre l'année précédente à Whitechapel. Mais il y avait déjà eu des prostituées qui avaient été attaquées et assassinées. Donc ils ont appelé le sergent Dr. Levlin qui a déclaré qu'elle était décédée. Mais ce n'est que quand ils l'ont amenée à la morgue à Old Montagu Street, ici un peu plus bas, sur la droite, et qu'ils lui ont retiré ses vêtements, qu'ils se sont rendus compte qu'on lui avait ouvert l'abdomen. Sa gorge était tranchée si profondément que sa tête n'était quasiment plus accrochée à son squelette. Et ça s'est passé juste là. C'est le meurtre qui, véritablement, a déclenché toute l'affaire. Quand vous vous promenez dans Whitechapel, qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Whitechapel a incroyablement changé. On a du mal à reconnaître le quartier. Vous allez à Whitechapel aujourd'hui, vous allez à Spitalfield. Et là où on trouvait ces pensions délabrées, ces pubs crasseux et ces gens qui faisaient la manche dans la rue, il y a maintenant des businessmen, des hipsters dans les cafés branchés, des magasins de luxe, des maisons qui se vendent des millions. Le fantôme du passé rôde encore. Mais le Londres de Jack l'Éventreur a disparu. Sur les traces de Jack l'Éventreur, retour à Whitechapel avec le photographe Louis Berck, le blogueur Karl Kopak et l'historienne Ali Robbenhold. Traduction, Caroline Ferrard avec les voix de Thierry Beauchamp, Arnaud Carbonnier et Pauline Dubreuil. Une histoire particulière, coordination Christine Bernard, réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. Demain, avec la même vigilance pour les oreilles sensibles de moins de 13 ans, la suite à 13h30 des crimes de Jack l'Éventreur dans le quartier de Whitechapel. Pour le moment, à 14h, c'est Antoine Guillot et votre séance cinéma que nous retrouvons.